connais le boulevard de Paris 17, je t'envoie cette nouvelle question. Au palais, pas d'une pintesse, pas de crève. On a grandi vite de Barbès à Guyancourt. Comme certaines routes du 18ème. De la goutte d'or, de la goutte d'or. Mortel comme ce caillou de crack dans les 18ème. Laisse pas, difficile d'éviter les lascars. Barbès, Barbès. Tu connais le boulevard de Paris 18, je t'envoie cette nouvelle potion. Au palais, pas d'une pintesse, jusqu'à Grèce. 18ème arrondissement. On a grandi vite de Barbès à Guyancourt. La formule secrète se trouve dans les études 18ème. Laisse ma galette comme un jumira. Pour en parler, faudra que je me fasse mal au dos. C'est tellement bac, pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Baisse pas, tu connais le boulevard de Paris 18ème, je t'envoie cette nouvelle potion. Au palais, ma team parfaite, jusqu'à Grèce. 18ème arrondissement. On a grandi vite de Barbès à Clignancourt.